On the rocks, même à l'envers, on the rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992, www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un mette tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier à laisser vos merdes? Qu'est-ce que tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm the gun, I bet you love me. On the rocks. Wow! Oh, j'ai une pêche, les gars, wouh! Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Manu dans On The Rocks, comme tous les lundis soirs, ou presque, et je ne suis pas seul ce soir, et ça vraiment, ça fait du bien. Je suis très bien accompagné par trois messieurs qui vont se présenter dans quelques secondes. Ce soir, émission spéciale donc, avec un album qui va réchauffer votre hiver après 32 ans de radio. On sautille toujours de joie quand on découvre des albums comme ça, ça fait toujours plaisir. Bonsoir messieurs. Salut. Salut. Voilà, vous êtes tous là, c'est ça, on vous entend tous bien. Il y en a un qui a failli mourir dans l'escalier. Mais non, ça va. Ça va. Alors, je vais vous. Ce qui va se passer, c'est que je vais vous laisser vous présenter directement tout seul, chacun, et vous allez me dire, il y a un drôle d'écho bizarre, oui, non, c'est hein, non. On est d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Non, celui-là est coupé. Hop. Eh ben, je ne sais pas. Je baisse un peu les micros. Il va y avoir moins d'écho, mais il va falloir vous rapprocher un petit peu. Voilà, très bien. Voilà. Vous allez vous présenter. Alors, le groupe. On va le dire, il s'appelle Quinx. Il va jouer jeudi soir à l'Astro et à travers le monde dans les années à venir. Et donc, alors vous n'êtes pas tous là, vous êtes que trois. Donc ouais. Si vous voulez dire du mal des autres, c'est ce soir. Oui. Je vais vous laisser vous présenter. On va commencer par quelqu'un qui n'a pas peur des micros. Normalement, tout va bien. Bonjour, je m'appelle Chacha, je joue dans les Quinx, je suis le batteur des Quinx. Voilà, Chacha, que les auditeurs de Radio Campus connaissent parfaitement, et par ailleurs. Il paraît. Mais ton petit nom, c'est Xulune dans les Quinx. Ah oui, oui. Ah oui, vous avez des noms de Quinx. Oui. Comme on fait plutôt des parodies des Who, on s'est dit qu'on allait, j'allais prendre le nom du batteur des Who, Keith Moon, donc j'ai fait Bisoulune. D'accord. Voilà, donc, intelligence. Donc c'est vraiment, tu vas vraiment mourir jeune, quoi. C'est confirmé. Non, il n'est pas mort si jeune que ça. Il est mort en 83. Ah oui. Donc je ne suis pas loin. Ouais, c'est pas... Bon, en face de moi, quelqu'un qui a eu son émission spéciale avec une rétrospective de ses 814 groupes. Exactement. Ici exactement. Même. J'attends la statue hein, pour lui. Oui, c'est ça. Je la modèle. Je suis en train de la modeler. Donc tu es. Ben donc je suis Blue en torsion pour les Quinx. Donc John Entwistle, tu vois. Voilà. Et je joue la basse. C'est ça qui. C'est pas l'instrument que j'ai fait d'habitude. Et je suis très content de faire la section rythmique avec Bisoulune. Très très bien. Vous voilà. Entendez bien. Super. Ah oui. Ça résonne. Mais ça résonne beaucoup, ouais. Oui. Je ne sais pas du tout pourquoi. L'émission est enregistrée dans les toilettes. C'est ça. Un blunch ne résonne pas. Non, moi je résonne jamais. Toi, tu ne résonnes pas. C'est Chacha qui ne résonne non, pas. Non, ça va, ça résonne pas trop. Bon, écoutez, je vais essayer de régler le truc, mais là pour l'instant, ça va commencer comme ça. D'accord. Ben moi, je suis Lolo Davis, et dans les Quinx, je suis le chanteur avec mon frère Norby Davis, bien sûr. Voilà. Donc toi, tu lances le micro. Des poids traillés. Absolument, avec une veste à franges, bien sûr. Et ton frère est sourd. Il a un grand nez. Ah, c'est il a un grand nez, il est sourd. C'est vrai. Bon, eh ben, on va se visiter cet album des Quinx ce soir en racontant un petit peu l'envers du décor. Moi, ça me réjouit d'avance. On va commencer avec un coup de cœur. C'est vrai que on est des toilettes très très vastes. Avec le petit coup de cœur ce soir, c'est deux extraits que j'ai enchaînés du dernier album de Kokomo, ce duo nantais qui fait dans justement le revival un petit peu 70s avec eux. Ils n'hésitent pas hein, dans les clichés, dans la voix, tout ça. Ils y vont à fond. Ils sont allés un petit peu moins à fond ces derniers temps parce que leur tourbus a cramé tournée avec tout leur matériel dedans, donc ça a mis un léger coup d'arrêt à leur carrière. Donc ça a été un petit peu douloureux. Et ils reviennent avec un bien bel album, je trouve, et en particulier ce morceau. Alors il y a des morceaux évidemment, et évidemment les guitares qui tournent dans tous les sens, mais il y a ce morceau qui c'est tout une petite pastille comme ça qui s'appelle Bottle for Two. Vous allez voir, vous allez écouter plutôt, messieurs des Kinks, et vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est le coup de cœur ce soir dans On the Rocks. Enchaîné avec un autre morceau de Kokomo, parce que celui-là vraiment était très très court, donc un autre morceau de l'album. Et puis ensuite, nous plongerons la tête la première dans l'univers des Kinks. C'est parti pour une heure et demie, ça s'appelle On the Rocks. Et on est ensemble jusqu'à 20h30 pour ceux qui écoutent en direct. Stand by me. Bottle for two. When I'm with you, looking for simplicity, trying to feel empty. 'Cause tonight is warm and cozy. Tomorrow's recipe. Stand by me. Prévenu, hein, ça fait du bien. On a l'impression qu'ils jouent ensemble depuis 40 ans, mais non. Non, c'est tout récent. Alors, Kokomo d'abord avec Bottle for Two et The Fool. Oui, c'est bien. Hein. Ouais, je vous conseille l'album. C'est efficace. Hein, il est très très bien. Ouais, c'est chouette. Il y a une grosse production. Hein. Oui. Il y a une grosse production. C'est très 70s, effectivement. Et puis juste derrière, vous ne raisonnez moins. Oui, c'est mieux. C'est vrai. J'ai trouvé le problème. Et juste derrière, c'était le morceau qui ouvrait l'album des Queens, qui s'appelle Queens. L'album s'appelle Queens. L'album s'appelle éponyme. Éponyme. L'album s'appelle éponyme. Alors j'ai la chance d'avoir avec moi Lolo Davis, Blue Intention et Bisoulune. Je viens de la comprendre. Bisoulune. Je suis un peu fatigué. Ça y est, Bisoulune. On a oublié de présenter Ricky Hopkins. Au clavier, c'est Ricky Hopkins qui n'a pas pu venir non plus, donc qui a intégré les Queens. Ça fait un petit peu plus récemment. Au mois de juin. Au mois de juin, c'est ça. Au mois de juin dernier, il a joué trois concerts. Donc on est cinq. Ils sont cinq. Là, ils sont trois ce soir. Alors cet album Queens, moi, il m'a enchanté. Vous allez peut-être dire aux auditeurs ce morceau, d'où vient-il, qu'on vient d'entendre, et puis le concept, ça va amener doucement le concept de cet album quand même, parce qu'il y a un petit concept. Lolo Davis, chanteur. Absolument. Et leader. C'est le patron. Ça allait être une question suivante. C'est Armenia City in the Sky, un morceau des Who, hein, sur l'album Sell Out, un morceau pas très connu. Et effectivement, le concept de cet album, c'est qu'en fait, on reprend pour la plupart des morceaux de groupes assez connus, mais des morceaux plutôt obscurs. Et oui, c'est ça qui est bien. Et qu'on fait à notre sauce. Et en fait, on s'inspire aussi parfois de d'autres groupes qui ont fait la reprise. Armenia City in the Sky, par exemple, c'est aussi un mélange d'un groupe qui s'appelle les Headless Horsemen qui reprenait ce morceau. Donc eux, ils ont fait une autre version. Donc voilà, nous, on s'est inspiré un peu de tout ça. Et grosso modo, on alterne entre des choses un peu plus garage et surtout des choses un peu psychées, en fait, hein. Sur l'album. C'était un peu notre volonté. Au départ, on voulait surtout faire principalement des reprises des Kings et des Who. Alors, on fait pas mal de reprises des Who, on fait deux Kings, mais on n'est pas complètement obtus, mais on est plutôt sur une période 66-69, en fait, hein, des morceaux. C'est ça, novembre 66. Assez précis. C'est ça. Alors, ça peut paraître un peu maniaco-dépressif quand on dit ça, mais pas uniquement, parce qu'on prend aussi un morceau des Stairs. Exactement, 1990. Ouais. Mais on essaie de faire en sorte qu'il y ait une certaine une continuité dans le style, en fait, hein. Voilà, puis après c'est nous nos instruments qui font que on espère que cet album il tient ensemble. Il tient carrément ensemble. 13 morceaux 38 minutes, hein, on n'est pas là pour enfiler des perles. Ça y va, c'est hyper cohérent. Et surtout, vous êtes hyper cohérents parce que vous arrivez tous de planètes un peu différentes. On vous connaît dans chacun de vos groupes. Si on écoute, moi, je me suis tapé l'intégrale Chacha Bouers depuis deux jours. Merci. C'est vachement bien. Hein. C'est la pop. Hein. C'est vachement bien. Et donc, c'est très très cohérent. Alors cette cohésion-là, comment elle est arrivée? Comment est arrivé le groupe? Qui a lancé la première bouteille à la mer en disant tiens? C'est toi, Bulbu. Je crois que c'est moi. Ouais. Mais pourquoi? Parce qu'on est des copains. aussi dans le civil, voilà. Et puis on s'est dit que ce serait bien qu'on fasse de la musique ensemble. Et sachant qu'on avait à peu près tous une passion pour les Who, notamment. Oui. Tu vois, des chansons comme Dogs ou Picture of Lily, moi, c'est des trucs que j'aurais jamais imaginé les jouer un jour. Ah ouais, ouais. Ouais. Pour moi, c'était inaccessible, voilà. Et puis, initialement, c'était pas Chacha qui était prévu à la batterie. Mais Chacha, lui, c'est un fan inconditionnel des Crybabies. Voilà. Et donc, du coup. Je ne connais pas. Voilà. Et donc, du coup, de jouer avec Lolo et Norby, Ouais. Parce que, l'idée de, là-bas, j'étais tourangeau, et quand les Crybabies passaient au festival au quart de tour, je suivais les gens qui collaient les affiches, du festival quand j'avais 14 ans, et j'attendais qu'ils les collent, parce que comme ça, je pouvais décoller les affiches des Crybabies, arriver chez moi, enlever la colle et les mettre dans ma chambre. Donc, quand on m'a dit, tu peux jouer avec les héros de ton enfance, j'ai dit, mais pourquoi pas? Bon, alors, tu sais quoi, mon cher Bisou, on va crever la, c'est tout de suite, puis après, on parlera que des Queens. Mais, moi qui vous parle, donc, 32 ans ici derrière ce micro on The Rocks, mais j'ai commencé à Béton à Tours. Bah. Eh, mais oui. Et à Béton à Tours, pour moi, la ville lointaine, c'était Orléans, mais pour moi, Orléans, c'était rien d'autre que la vie des Crybabies. Pour moi, Orléans, c'était les Crybabies, et quand je venais à Orléans, c'était pour voir jouer les Crybabies, donc j'étais un gros, gros fan. Ah, mais je ne trouvais pas d'affiche parce qu'elles avaient été décollées par un trou du cul. Juste à l'heure. Donc, je suis content de te retrouver. Aujourd'hui, t'en as mis, on en a un gros stock. Alors, je suis hyper content de te recevoir à ce micro, parce que vraiment, voilà, un grand, grand fan des Crybabies, et un fan des Plimsolls comme moi et de compagnie, bah forcément. Bien sûr. On s'est retrouvés. Alors, on va crever l'abcès, on va se passer deux petits morceaux des Crybabies enchantés. Allez. Et enchaînés. Avant que tu lances, si tu veux bien, est-ce que tu savais qu'avec le bassiste, avec donc mon frangin qui est donc guitariste oui. des Crybabies, et Franck le bassiste, on a commencé à faire de la radio chez Radio Arc-en-Ciel. Ah d'accord. Une émission qui s'appelait Roll Mops. Ok, d'accord. Voilà, voilà. On va y venir. Exactement. Donc c'était de 80, je me trompe pas, de 87 à 90, 11, peut-être 12, peut-être, non? Tu as pas connu Roll Mops? Alors, j'ai dû arriver quand vous partiez, parce que moi je suis arrivé en 92. Oui, c'est ça. Je crois même que tu leur as piqué le créneau, en fait. C'est possible. Eux, ils se sont fait virer parce qu'ils buvaient de la bière. C'est moi qui vous ai lourdé, en fait. Donc on faisait de la radio ici, et on passait deux heures de rock'n'roll une fois par semaine, ouais, avec Alain et Franck. Voilà. Alors, eh bien, Lolo Davis ici présent, sous son autre nom, a officié dans un groupe qui s'appelait Crybaby. Je sais que Duduche de l'autre côté du poste est en train de faire des sauts de cabri. Voici donc deux extraits de leur album culte. On commence par ça, évidemment. I'm ça fait bien longtemps que j'ai pas écouté ça. Oh. Alors, je viens de recevoir un message d'une auditrice fidèle qui dit ça ne vieillit pas et nous non plus du coup. On peut pas dire mieux. Non, c'est fou. La classe. Chacha Boogers vient de se prendre un petit lifting. Ouais, mais la première vraiment. Alors déjà, je trouve que c'est produit, ça sonne mais vraiment de fou et ça a ce côté près ce qui s'est passé dans, je dirais, la musique skate punk un peu. C'est vraiment, ouais, on est un, deux ans avant, mais il y a tout qui est défini, je trouve ça fabuleux. Ah, on écoutait beaucoup les Nerves et les Plimsolls, hein, ça s'entend un petit peu quand même. Hein. Ouais. Power Pop à mort. Album produit par Kid Pharaon. Ouais, Kid Pharaon. Ouais. C'était gros, bien aussi. Gros bonhomme ça. Et toutes mes voix sur le premier album, j'ai tout doublé mes voix. Okay. Elles sont systématiquement, ce qui fait ce côté un peu robotique, quoi, mais c'est... On embrasse le frangin au gros nez, du coup. Au grand nez. Au grand nez, c'est vrai. Au grand nez. Bon, c'était les Crybabies. Alors, on va se mettre un petit coup du générique de Roll Mops pour parler de dessus. Blush, qu'est-ce que t'en penses? Bah, écoute, bien sûr. Salut, c'est Roll Mops. Ah, attends, ça doit être par là. Yeah! Hey, salut, alors. Parce qu'effectivement, au moment où on a créé les Queens, en parallèle, on se disait qu'on allait également relancer Roll Mops. Ah, voilà. Voilà. D'accord. Donc Roll Mops, qui a été créé à Radio Arc-en-Ciel, je pense en 87, ouais, 6 peut-être même, ouais. Et c'était notre première radio. Et puis, ouais, c'était vraiment fun. Et puis, on avait un petit peu d'audience. Je me souviens, il y avait des gens qui écoutaient un petit peu ce qu'on faisait. Ah, bah, on faisait gagner des places. Connu, hein. On faisait gagner des places de concert aussi. Hein. Non, c'était une chouette aventure. Donc, on a fait nos armes chez Radio Arc-en-Ciel qu'on remercie. Bon. Et donc du coup, on reload Roll Mops avec Lolo, tous les deux, sur campus. Donc ça passe tous les 15 jours, le mercredi à 18h, et puis disponible sur les internets, évidemment. Et puis très rapidement, on a invité Chacha venu faire la technique. Yeah. Chacha qui a fait une saison. Il fait une saison. C'est ça. Et puis après, il est parti. On a continué un petit peu à deux. Vu qu'on avait, avant de pécho Ricky Hopkins pour les Queens au clavier, parce que sur le disque, c'est Alain qui fait toutes les parties clavier. Ouais. Et avant de choper Rick pour faire les concerts, eh bien, on l'avait embauché dans Roll Mops. Et donc, du coup, on est maintenant trois avec Lolo, Riri et Blublu pour faire Roll Mops. La prochaine est dans 10 jours. C'est comme Under Rocks, en fait. Nous, on dit comme toi, on écoute du rock, du folk, Ah oui, on met ce qu'on veut dedans. Oui, c'est ça, c'est large. Oh là là. Et on a chacun un peu nos marottes, en quelque sorte. C'est ça. Association de malfaiteurs, donc. Exactement. Tout à fait. Voilà. Alors, on va revenir aux Queens quand même, parce que les Crybabies, on va réécouter ça bientôt, bien sûr, chez nous. Mais, mais les Queens, alors, tout l'enjeu du truc, c'est qui ramène les morceaux et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il y a eu des débats? Est-ce qu'il y a eu, parce qu'il y a quand même des gens dans cette pièce qui ont repris du John Lennon en reggae. J'en connais. Je crois que c'est celui qui a une casquette. Vous le reconnaîtrez à l'antenne, celui qui a une casquette. Non, à la base, c'est Laurent qui, c'est toujours dit que c'est Laurent qui avait plus ou moins le dernier mot avec son frère, parce qu'ils ont cette culture-là aussi de, vu leur grand âge, de ces morceaux. Et, moi que j'avais un petit peu moins, hein, par rapport à vous, vraiment. Et puis, ben, on a mis tous une playlist, on a tous soumis des morceaux. Moi, j'ai réussi à trouver un morceau d'un groupe qu'ils connaissaient pas, et j'étais hyper fier. Qui est? Voilà, les Stairs, un groupe des années 90. Ouais, c'est ça, celui de Manchester, qui est super. Ou de Liverpool, je sais pas. Et, voilà. Puis après, les morceaux, ben, on les a écoutés, on les a adaptés, on a souvent écouté, les autres groupes qui faisaient des reprises de ces morceaux. Ouais, c'est ça, ouais. On se les a appropriés, On se les a appropriés. Après, il a fallu parler des longueurs de certains passages, de choses comme ça, mais parce que qui dit psychédélique peut dire long. Ouais, c'est ça, mais on voulait pas trop, dénaturer, et on s'est permis des moments d'improvisation à l'intérieur de un ou deux morceaux. Mais bon. Oui, on joue pas une Agatha David, hein, par exemple. Hein. C'est pas l'idée de faire des morceaux psyché 69, 70. Quand je dis psyché, c'est le psyché tel qu'il pouvait apparaître chez des gens qui faisaient du garage avant, quoi. Hein, en soi, ceux qui sont passés de 66 à 67, quoi, qui ont fait des choses un peu tordues, quoi. Ouais, des buvards pas trop chargés. C'est ça. C'est encore gentil, quoi. Ouais. Et puis donc effectivement, on travaille travaille tous ensemble. Alors le choix des morceaux des Who, ben moi j'avais des voilà avec Blood chez Alain, mais c'est vrai qu'on avait Pictures of Lily ou Dogs par exemple, c'est des morceaux qu'on a toujours adoré, donc c'est un peu un rêve de gamin quoi de refaire ça. Et puis on travaille tous ensemble. On a beaucoup travaillé chacun de notre côté aussi, un petit peu de bouteille chacun, donc on est capable de travailler un petit peu chez soi. On n'a pas fait tant de répètes que ça, hein. Non, puis moi je sais que je j'apprenais un nouvel instrument, oui, parce que vrai, même si on croit que la basse c'est une guitare à quatre cordes, c'est pas aussi simple que ça. Et puis je crois que toi aussi, Chacha, ça faisait un petit bout de temps que t'avais pas fait de batterie quand même. Et puis moi quand on m'a dit tu vas faire exactement ce que Keith Moon fait de la batterie. Waouh, ok, vous êtes sûr? Il s'en tire pas mal. Et au début c'était complexe. Mais, la Cadillac dans la piscine, tout ça aussi. Ouais. Tout brûlé, souvent. Mais non, son jeu est effroyable. Il fait jamais un rythme, c'est que des breaks. Oui, c'est et ça. J'ai trouvé une technique, c'est qu'en fait j'ai trouvé des batteries isolées de Keith Moon où il y a que ça. Et pendant un mois, je dormais en écoutant les batteries de Keith Moon pour vraiment me mettre dedans. Quoi. La batterie se cale sur le chant. Exactement. Dans les Who, c'est incroyable. Ouais, ouais. C'est très étrange. La basse, elle, complètement indépendante. La basse est indépendante. Tu peux avoir des coups des croches de basse qui ne tombent pas dans la grosse caisse. Et ça, mine de rien, c'est un peu déroutant au départ. Et puis, en fait, le seul qui tient la maison, c'est Pete Townshend. C'est vraiment extraordinaire. Il y a pas d'autres groupes comme ça. Comme, quand on regarde les lives, c'est Keith Moon qui ne lâche pas des yeux Pete Townshend. Il regarde son bassin et ses yeux tout le temps, tout le temps. C'est incroyable. Mmh. Alors du coup, il fallait pas non plus faire de la copie carbone. Ah oui, c'était pas l'idée, oui. Et en même temps, vous vous êtes imprégné de ce qu'il faisait. Et à quel moment vous avez senti que vous aviez le truc? Et est-ce qu'il y a eu un moment précis où vous dites là on y est, on est à mi-chemin entre ce qu'on propose et ce qu'ils étaient? Ouais, alors on a pas mal peaufiné justement pour enregistrer l'album. Hein. On s'est permis en fait de faire un peu de production. Parce que au départ, quand on jouait, au premier concert, il y avait que moi qui chantais, il y avait aucun chœur par exemple, oui, hein, au tout départ. Oui. Et là, on a quand même pas mal bossé. C'est un des atouts de l'album. Hein. Les chœurs, les voix. Oui, c'est super en place quoi. Ouais. Et donc on a pas mal bossé ça. On continue à le bosser bien et on envisage même d'avoir quelqu'un qui va nous faire un petit peu bosser aussi sur les chœurs, hein, qu'on soit un peu plus pour les costumes. À l'aise. Les costumes, vous voulez. Et puis aussi les arrangements. En fait, on a enregistré basse, batterie, guitare. Et après, Alain, chez lui, il m'envoyait des pistes toutes les semaines sur chaque morceau. Il rajoutait des guitares, des cloches, des claviers. Et ça, on a vraiment gagné, quoi. On a vraiment... Ouais, parce que c'est Chacha qui a enregistré et mixé le disque. Et c'est Stéphane Couturides avec qui, moi, j'ai pu travailler avec les Strong Commons et Buxom Blood qui a assuré le master. Parce qu'il nous a sonorisé, on lui a fait écouter, il nous a dit, oh ben les gars, je vous fais le master. Ben écoute, merci Steph. Parfait. Et donc, alors quand on chiade un peu en studio et qu'on veut vraiment qu'il y ait la petite cloche, etc., sur le live, le passage en concert, on a la même exigence ou là on lâche les chevaux et... Eh bien, nous avons Eric Potard. Eric Potard est arrivé avec un vieux clavier des années 60 et une petite tablette où tous les sons qu'on a dans les chansons, on l'a mis dans sa petite tablette. Voilà. Et on les a maintenant. Et on est joyeux. C'est ça. Ajoutez que Lolo assure de l'harmonica sur deux chansons en live aussi. Oui. Et également, il a un effet pour la voix qu'il utilise avec plein d'effets justement de réverb, d'écho, de slapback, etc. Et du coup, ça marche plutôt bien. On arrive à retrouver vraiment l'esprit du disque au niveau des parties voix et des arrangements. Je n'ai quand même pas monté sur scène depuis 1995. Hein. Ah ouais. Oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. Je suis le seul dans les Queens à avoir arrêté complètement, en fait. D'accord, d'accord. Très bien. J'avais jamais chanté après. Et alors? Ah c'est une super sensation. Tu retrouves des sensations intactes ou c'est rouillé au départ ou comment ça se passe? Le premier répète, j'ai eu un peu peur quand même. Je me suis dit, est-ce qu'on va continuer? C'était un petit peu rouillé quand même, ouais. Mais non, j'ai plutôt retrouvé ma voix, ouais. Elle a pas tellement bougé en fait. Eh ben non. Ah non. C'est ça qui est fascinant quoi. Ouais. C'est-à-dire que on va en pouvoir juger sur pièce maintenant, tout de suite. Si je vous dis Open My Eyes. Ah oui. Alors dites-moi maintenant. Alors ça c'est un choix de Lolo ça. Ouais. Ouais. Bah bravo. Ouais. C'est un groupe qu'on avait avec Alain. On avait un album des Nazes. C'est sacré quoi. Avec deux Z. Ouais. Avec une super pochette. Donc c'est à l'époque on allait chez Music Please et on achetait tous les disques de groupes qui avaient des franges dans les yeux. Et des fois il y avait des merdouilles. Et puis là il y avait Nazes. C'est Jérôme. Et là il y avait donc Nazes, groupe de Todd Rundgren. Et donc sur cet album, bah, il y a un morceau hyper évident qui est superbe. Et là aussi, on s'est aussi inspiré d'une autre version, qui est la version de King Gizzard and the Wizard Lizard, ouais, qui fait une version très très très garage, très Nuggets, hein, sur l'album Nuggets. On s'est un petit peu inspiré des deux, et ouais, on est plutôt assez content du résultat. On l'a bien réussi celle-là, je crois. Oui. Eh bien, nous allons juger sur pièce. Yes. I feel good when I am in you. Vous êtes dans The Rock ce soir avec une émission spéciale Queens et ça me réjouit. Et bah, il y a quelques semaines, j'ai fait mon petit best-of de l'année 2024 en faisant le malin avec les meilleurs albums de l'année. Et évidemment, j'en ai oublié et j'ai oublié celui-là qui est un album extraordinaire. Je vous le conseille, je crois que c'est leur deuxième album de King Anna, duo de Liverpool. C'est fabuleux. Alors des fois, ça sort les guitares un peu crado comme ça. Et puis après, il y a souvent des ballades folk un peu vénéneuses. C'est vraiment un album magique. Je vous le conseille. L'album s'appelle Big Swimmer. Une voix d'enfer. Ah ouais, ouais. Et puis tout est bien. Il y a rien à acheter. Cool. C'est cool. Rien à acheter sur l'album. Et puis juste avant, c'était les Queens. Et là, tout était bien aussi. Et surtout le petit solo d'harmonica. C'était Open My Eyes. Et ça figure sur l'album des Queens. Qu'on peut trouver où? On peut pas le trouver encore. Eh ben voilà. Ah si, on peut le trouver sur Bandcamp gratuitement. Il est sur Bandcamp. Il est sur Tout à fait. Téléchargement gratuit. Et normalement, en 33 tours. Alors, c'était prévu pour qu'on puisse l'avoir pour le concert de jeudi avec King Salami et BDK Meets the UFOs à l'Astrolabe. Ouais. Mais malheureusement, bah oui, les délais des villines, c'est toujours le même problème. Donc, voilà, on l'aura un peu plus tard. Par contre, on rejoue à Orléans le vendredi 25 avril avec les Cannon Fodder, un groupe du Mans sur Beast Records. On joue au Jacquin. Pas très loin d'ici d'ailleurs. Donc ce sera le vendredi 25 avril et là je pense que nous aurons notre 33 tours. Voilà. Oui, avec une superbe pochette dessinée par conçue par Sardine. Ça alors juste de l'œil de Sardine. J'allais en parler, quelle transition. Bon. La pochette, parce que quand même la pochette elle est carrément géniale. Donc Blush, tu me disais tout à l'heure un mélange entre Psyché et les Monty Python. C'est ça, voilà, c'était le cahier des charges que l'a donné à Sardine. Alors Sardine c'est la femme de notre ami Gilbert Nasal. Voilà. Qui va faire le DJ d'ailleurs jeudi soir sur les interplateaux. Voilà. Et donc elle est artiste au demeurant. Et puis ben moi je l'ai branché. Et puis ben dès le premier jet tout le monde a dit c'est bon. Ah oui, c'est énorme. C'est gagné. Ça va un peu claquer en pochette de vinyle ça. Je pense que ça va être bien. Ça va être pas mal. Ouais, on a hâte. Ouais. Et c'est vrai qu'elle nous avait demandé, c'est une bonne idée. Elle m'avait demandé moi de trouver un mot qui se rapporte à chacune des chansons. Donc on a pris des mots et c'est à partir de ces mots là qu'elle a conçu cette pochette. Ah pas mal. Donc ça a du lien quoi. Ouais, très bien, très cohérent. Tout ça là encore, quoi. C'est psychédélique, mais c'est pas une pochette de groupe psychédélique années 60 quoi. On a toujours voulu rester aussi moderne, c'est beaucoup dire. Je sais pas si on est moderne, mais on l'a entendu sur Open My Eyes. On utilise beaucoup de. Alors, il y a un stylophone. On n'a pas peur d'utiliser des synthés, des machins, des sons un peu bizarres quoi. Ben, on va sauver le rock'n'roll quoi. C'est ça l'objectif quoi. Je veux dire clairement. Les petits jeunes qui n'en veulent. Il était temps, bordel. Non, mais c'est aussi sur. Je crois qu'on écoute des trucs genre King Gizzard aussi, c'est un peu ces histoires-là, un son un peu moderne avec des références d'avant. Mais surtout pas un groupe de revival quand. Quand on dit groupe de reprise, moi ça me. Oui, alors pourtant c'est le cas. C'est des adaptations. Oui, c'est ça. On n'est pas un groupe de baloche quoi. Non, mais vous avez réussi à faire ce que les albums de reprise ne parviennent pas toujours à faire, c'est-à-dire que vous les avez mis dans votre poche, mais c'est vous quoi. C'est cohérent. Ouais, c'est-à-dire qu'on passe pas d'un morceau à l'autre en disant ah ouais il joue à. Ouais. Et vous jouez les morceaux d'eux. Ouais. C'est pas exactement la même chose. Oui, certains sont même très différents des originaux. Hein. Ouais. Mais oui. Et puis il y a une cohésion de voix, de guitare, de enfin tout. Enfin, on est un groupe. Hein. C'est ça. Vraiment. Ça sent le groupe, ça sent pas clair. Ouais. Mais il y a eu aussi l'idée de chaque morceau. On les a traités différemment en fait. Chaque morceau c'était une nouvelle optique. Il n'y a pas un son de batterie qui ressemble au morceau d'avant. C'était dans cette idée de diversité quoi. Et il y a eu deux morceaux dont on a repris en fait du live qu'on avait fait en répète. Alors que les autres, on a refait les parties de batterie basse, mais on a mis plein de sons, plein de machins et. Au final, on n'a pas l'impression qu'il y a, ah tiens, il y a deux morceaux qui ont été faits en répète et les autres non. Il y a une vraie cohésion grâce au superbe travail de Chacha à l'enregistrement et au mixage. Alors tout ça paraît très harmonieux et très facile, mais est-ce que quelqu'un est arrivé avec un morceau en disant moi j'aimerais bien qu'on fasse celui-là et que ça a été la guerre et qu'il n'est pas sur l'album? Ah non. Ah mais moi j'en ai une bonne liste d'une trentaine. Qui veulent pas faire. Voilà. À peu près. Moi je suis assez exigeant. Ouais. Alors déjà parce que c'est moi qui chante, donc c'est moi qui sur scène, c'est moi qui les défends, les morceaux. Hein. Ouais. C'est moi qui. Ah bah, et puis, voilà. Nous, on fait quoi? On perd le sandwich. C'est ça, ouais. Mais vous êtes au fond de la scène, tous les deux. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, c'est ça. Non, mais c'est vrai que moi, je suis assez exigeant. Et des fois, je trouve que, oui, il y a des morceaux plus évidents, des morceaux beaucoup plus garage, par exemple, où je me dis, ça a peut-être détonné un petit peu, mais c'est tout à fait subjectif, hein. Donc, oui, on a quand même pas mal d'idées. Moi aussi, j'en ai des idées qui étaient pas bonnes, en fait, aussi, hein. Donc, oui, alors ça, par contre. Toujours qu'on en parle. Voilà. voulu dire non, alors là, je vais dire, faut le battre. En fait, il n'y a pas eu le choix pour les morceaux de l'album, parce qu'en fait, c'était juste les morceaux, on a enregistré les morceaux qu'on savait jouer. C'est assez simple, et quand on joue en concert depuis, on en a plus, mais. Vous savez en jouer 13. Exactement. Oui, alors maintenant, on est passé à 16. Oui, on a du nouveau morceau, oui. Ouais. Parce que dans Happy Days, ils savent en jouer qu'un. Le groupe d'Happy Days. Ils jouaient All Shook Up, et après ils jouaient All Shook Up Instrumental, et après All Shook Up. Alors, on vous a demandé de venir avec des morceaux, non pas de, à vous, non pas de Queens, mais des morceaux que vous aimez et que vous aviez envie de diffuser ce soir dans l'émission. C'est un peu le principe aussi de l'émission. Ça a été difficile de choisir, hein. Mais oui. C'est le coup de l'île déserte, ça, hein. Exactement. Et donc, alors, dans l'île déserte, on commence par quoi? Chacha, tiens. Ah bah allez, Chacha. Le morceau de The Beat. Alors qui pour les gens de votre génération a l'air d'être une normalité, mais que j'ai découvert il y a 6 mois. C'est le Paul Collins Beat en fait. Voilà. C'est ça. Et alors il a plus de cheveux, hein, on te prévient, ça peut être un peu violent si tu vois les anciennes pochettes, il n'y a plus de cheveux. C'est vrai. Non, puis en plus moi je connaissais The Beat, mais plutôt le truc anglais. Ah oui, le ska. Mais non. Et j'avais, bah, je ne savais pas. Puis alors moi je suis fan de Power Pop années 90 et je suis jamais allé voir un petit peu avant. Chacha, tu vas revenir dans l'émission, je pense. On a des trucs à se dire. Non mais je savais pas que ça. Son groupe favori c'est Weezer. Ah bah on a des trucs à se dire. Et qui passe le 6 juin au Zénith de Paris demain. Ouais. Et joue l'album bleu. Il joue l'album bleu en entier. C'est vrai. Ouais. C'est un grand moment dans ma vie. Tu es un enfant, Chacha. On est d'accord. Oui. Et donc The Beat. Donc voilà, ce morceau, je l'ai entendu justement après un concert des Queens un dimanche matin chez Alain. Il l'a mis. Je me suis mis à genoux. J'ai dit qu'est-ce que c'est ça. Et après, c'est parti pendant une semaine d'obsession à l'écouter 14 fois par jour. Quel bonheur. Donc voilà. Bon, eh ben c'est un très bon choix. Si vous aimez ce que vous allez entendre, allez sur le site ontherocks.net, le site de l'émission. Vous allez dans l'onglet émission spéciale, vous déroulez un petit peu les émissions et il y a une interview de Paul Collins de The Beat. Puis si vous déroulez un petit peu plus, il y a une interview d'Eddie Munoz, des Plimsolls. Oh, bah dis donc. Donc vous allez vous faire plaisir, je pense. Voici The Beat dans ontherocks et ben voilà, ça faisait longtemps, mais merci Chacha. Thank you. Hey, this is Paul Collins of the Beat, and I'm with Manu, and we're on the rocks. Rock and roll. Bon, c'était juste, on me l'a pété un coup, ça. Bon, c'était The Beat à l'instant. Merci beaucoup, Chacha. Très bon choix. Bravo, bravo, bravo. Tu reviendras. Vous êtes dans The Rocks encore pour quelques minutes. Grosse minute pour dévoiler cet album de The Queens. The Queens? Oui, Queens, ouais. On... Pas de The? Pas les, pas The, parfois The, mais... Bon. On est en France, on dit les Queens. Si on dit bien les Stones, alors... On dit les Stones. On dit les Who. On peut dire les Queens. On peut dire les Queens, ouais. Les Tugs. Voilà. Donc on va se diffuser un autre morceau de cet album. Il y a bien sûr il y a les Woods, mais il y a les Small Faces. Oui, tout à fait, ouais. Exactement. Eh oui. Et donc, eh ben allez-y. Hein. Pourquoi les Small Faces? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il avait amené celui-là? Je sais plus trop. C'est Alain, je crois. C'est Alain, ouais. C'est Alain qui l'a emmené. Excusez-moi, pardon. C'est Norby. Moi, ça m'a fait hyper plaisir. Je suis un fan de Steve Marriott. Enfin, tu vois, même si c'est pas lui qui chante d'ailleurs cette chanson originalement. Oui, non, c'est le bassiste. C'est le bassiste. Et ce superbe album, je retiens jamais le nom, s'il est compliqué. Super, avec le premier morceau, intro génial. Puis voilà, et ce morceau, donc, puissant et lent et puissant, que tu vas mettre. J'imagine, bah oui, parce que c'est le seul Small Faces. Bah c'est vrai, c'est ça. C'est Song of a Baker, c'est une superbe morceau. Alors, avec des paroles un peu particulières quand même, hein, parce que c'est quand même l'histoire de la boulanger, quoi. Il y a une analogie entre le travail. C'est un peu un discours macroniste quand même. Hein, oui, c'est la valeur travail. C'est ça, voilà. On va dire qu'on comprend pas les paroles. Ah, c'est ça. Bah, c'est Chacha qui a tenu à tout prix à ce qu'on parle de ça. Mais oui, pas du tout. Non. Mais parce qu'il espérait rentrer dans le gouvernement. Non. Mais si je vous disais mon nom de famille, on apprend à faire du pain dans cette chanson. Exactement. Il dit comment on fait du pain, c'est bien, c'est gentil, c'est humaniste. Et en plus, pour faire du pain, toi, tu utilises des baguettes. Voilà, voilà. Allez. Tout cela est très très cohérent. Bon, on va se passer le morceau. Allez. Mais quand même, avant de se passer le morceau, mon cher Lolo Davis, oui. Quand on reprend le collier comme ça et qu'on a donc pas chanté depuis très très longtemps, tu faisais pas dans la facilité, quoi. C'est-à-dire que t'allais chercher des trucs pas si simples à chanter avec des gens qui chantaient pas tous pareil et Ouais. Alors on a un peu triché parfois, on a un peu baissé une tonalité, c'est arrivé quelques fois, pas tant que ça mais quelques fois. C'est laid. L'idée c'est pas d'en baver trop sur scène parce que c'est au départ c'était surtout un groupe de scène, hein, les Queens, hein, donc avant qu'on ait l'idée de faire un album. Donc c'est pas que j'en bave sur scène parce que ça y va, ça enchaîne, donc ouais, c'est pas toujours la facilité, non, on est bien d'accord. Ouais. Avant qu'on fasse les premières répètes, ça semblait impossible pour tout le monde, que ce soit à la batterie, à la basse. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Blanche. Ouais, on sort d'Himalaya, quoi. On a écouté les trucs, on se dit, mais c'est pas possible, on peut pas le faire, ça. C'est clair. Et voilà, un peu de travail, de sympathie. Sachant que là, on a un projet, on a un gros défi, hein. On s'est monté la tête, là, sur un truc. Tu en as dit trop. Ah non, pas encore. Justement. On a une passion commune, tous dans le groupe, c'est un morceau des Who qui s'appelle A Quick One. Qu'ils ont joué au Rock'n'Roll Circus des Stones, et donc c'est un morceau de 8 minutes 38 qui est un petit peu la genèse de Tommy. Exactement. Qui est un mini opéra rock. C'est ça, c'est ça. Et là on s'est mis en tête de le faire, par contre attention, là il va falloir être prêt. Mais vous avez commencé à défricher un peu ou ouais. pas? On parle, on écoute, on les chante par-dessus, ouais. On flippe. Moi j'ai parce qu'en fait moi pour apprendre la basse, il y a pas mal de tutos ou des bassistes surtout américains qui tu tapes le morceau, tu tapes dab basse sur YouTube et puis t'as les gars qui jouent et j'ai trouvé un truc où t'as la guitare et la basse. Tu dis ouais, trop cool. Bon. Une fois que t'es devant, toi, dans cet extrait dans Le Péril Jeune où le gars il écoute. C'est ça, c'est ça. C'est exactement la même. C'est Alvin Lee. Il écoute Alvin Lee. Going home. Et t'en mets pas une dedans, tu dis ok. Mais bon, à force de persévérance et pour faire le lien avec Song of the Baker, à force de travail, on y arrive et on est hyper satisfait. Bon, on va l'écouter maintenant. Le Péril Jeune vient d'avoir 30 ans. Ça m'a mis un petit coup de pelle. Ouais. Personnellement. Bah oui. Il est comme vous, il n'a pas vieilli ce film. C'est parti, Song of a Baker, c'est originellement par les Small Faces, mais là c'est magnifié par les Queens. Merci. The stream.

fait du bien de réécouter ça. Vous êtes toujours dans On The Rocks et à l'instant, c'était un extrait du dernier album de Nada Surf. C'était X Is You. Voilà, c'est pas l'album qui saute à l'oreille à la première écoute, mais lui, il s'impose vraiment. Enfin bon, voilà. En même temps, je suis un peu fan et je refais un petit coup d'autopromo si vous voulez retrouver l'interview de Matthew Cause réalisée par Ma Pomme. Il est encore disponible sur le site de Libération, puisque j'ai une double page dans Libé, monsieur, avec Matthew Cause. Et si vous pouvez choper la version papier, c'est encore mieux, parce que là, il y a une belle illustration qui a été faite dans le Libé spécial Jeunesse, qui est sorti au mois de novembre. Et je vous conseille vraiment l'album des Nada Surf, mais je suis pas très objectif sur ce coup-là. Il sera en concert le 14 mars 2025 au Plan Harris Orangis. Ah. Et c'est très très bien. Ah oui, super morceau. Ouais. Et puis juste avant, c'était Quinks avec Song of a Baker. Et maintenant, on est heureux. Vous savez tous faire du pain. C'est ça. Bravo, bravo à vous. Vous êtes formidables. On va continuer avec un petit choix de quelqu'un qui a apporté un morceau. Voilà, qui donc? Allez-y, Lolo. Oui, moi je peux. Moi j'ai choisi. Alors c'est difficile, hein, choisir un morceau. J'ai choisi un morceau. Je crois que Bluebuto aussi, c'est un morceau qui t'a bien marqué aussi. C'est des Remains. Alors Remains, pop américain années 60, avec Why Do I Cry, quelques tubes. Et là, ils font une version. Alors c'est du live studio, hein, une version du I'm a Man, hein, le fameux I'm a Man, le fameux blues. I'm a man, baby. Et le passage central, c'est un passage qui déchire. C'est punk, c'est furieux, ça commence comme un blues, c'est tendu, c'est furieux, et pour moi ce morceau, c'est l'excellent mélange entre le punk et les 60s, quoi. Voilà. Rien que ça. Garage mid-60s punk. Ah oui, vraiment. Ouais. D'où l'appellation. C'est furieux. Un organiste d'enfer, chanteur, guitariste, ouais, c'est de la folie. Alors que par ailleurs, leurs morceaux sont plutôt pop, en fait. Ouais. Mais cette version-là, elle est énorme. Alors, oui. Non, pas très bien. Si t'allais dire un truc, je sentais. Non, pas du tout. Non. Je suis très content. Puisqu'on est en train de replonger là dans les racines, est-ce que vous avez les souvenirs chacun du morceau qui vous a allumé, vous, qui vous a éveillé, qui vous a le déclencheur? Lolo Davis, chanteur. Oh là là là là là là. Moi, c'était avec mon frangin. Il est plus âgé que moi, donc. Il avait eu droit à avoir un électrophone quand il était pour son anniversaire. Et en fait, il a acheté des disques un petit peu au hasard. Et il y avait le fameux Masters of Rock de Pink Floyd. Mmh. Voilà. Et moi, je me souviens très bien de Apples and Oranges, par exemple, ces morceaux-là. Et Lucifer Sam et les autres. Ça revient. Donc, un morceau, c'est surtout cet album-là, qui m'avait vraiment marqué, parce que pour moi, c'était complètement différent. Puis après, c'est probablement le Helter Skelter des Beatles, probablement. Pareil que j'ai écouté petit, ma grande sœur avait des copains qui faisaient la fête, et ils oubliaient leurs disques, et nous on récupérait les disques derrière. Et oui, Helter Skelter, on était assez sidérés, ouais, par ce morceau-là. On l'écoutait un peu en boucle avec Alain. Voilà, donc des racines assez classiques, hein, somme toute. Mais oui, Helter Skelter de Beatles, ouais, je crois que ça a été vraiment... Ah oui, ça a calmé tout le monde. Ah, carrément, oui. Chacha refuse de le faire pour ne pas avoir des ampoules au doigt. Ah oui. I've got this on my fingers. Morceau mythique. C'était énorme. Chacha, donc, hein, le morceau de... Moi, avec le rock, j'allais chercher des cassettes à la bibliothèque de Tours. Et le même jour, j'avais pris le premier album des Ramones et A Date with Elvis des Cramps. Waouh, c'était beaucoup d'un coup quand même. C'était super, ça m'a mis dérouillé. Et le morceau Chainsaw des Ramones, avec la où on entend une tronçonneuse au début de mon album. Et là, je me suis dit, oh, on peut mettre des bruits de la vraie vie dans de la musique. Dans du punk, génial, j'adore. Donc ça, ouais. Et Beck aussi. Grosse claque sur Beck. Ouais. Ouais. Mais c'est un peu plus tard. Mais sinon, le premier vrai morceau qui m'a mis une claque dans ma vie, c'était un disque qu'on a offert à mes parents. J'avais 4 ans. C'était une compil de Jean-Claude Borelli, le trompettiste. Ouais, ouais. Et dessus, il y avait Je l'aime à mourir à la trompette. Oh putain. Et pour moi, c'était le plus beau morceau du monde. Et après, un jour, j'ai entendu Francis Cabrel qui chantait. J'ai dit, mais non, le vrai, il y a une trompette. Je vous jure. Il n'y a pas de moustache sur le vrai. Voilà. Ah, c'est incroyable. Les premiers émois, c'est super. Oui. Et vous, Blutch, alors? Alors, moi, je pense que c'est Shut Down in Flames d'ACDC. Wow. Voilà. Ah, et puis également, via mon cousin qui avait 10 ans de plus que moi, les Specials avec le fameux morceau là du premier album, hein, voilà. Et puis

I'm a man. Yeah. Et, morceau furibard et à la fin I'm a man. Thank you. Good night. Et moi, je trouve qu'on manque cruellement de spectacles et de concerts et de groupes qui font ça actuellement. Ouais, c'est je vrai. Suis en manque total de rock and roll. Ah bah là, tu vas être déçu. Bah, c'est ça. Bah, donc, il faut aller à l'Astrolabe jeudi, non? Non. Voilà. Ah, évidemment. Ah, on n'a pas beaucoup parlé de cette soirée au Cosmic Trip. C'était le moment. Bien yes, sûr. Eh oui. Donc jeudi, que va-t-il se passer? Qui va jouer avant vous, après vous, en même temps que vous? C'est nous qui ouvrons. Oui, on est les vedettes américaines parce qu'on est dans notre ville. C'est j'ai jamais, je sais pas d'où vient l'appellation vedette américaine, mais j'ai toujours aimé cette appellation. On est un jeune groupe de vieux, en fait. Voilà. Donc, voilà, on est, et on joue avec des vieux de la vieille aussi. C'est ça. Après, il y aura donc la nouvelle formation du Blue Devils King, BDK, ancien chanteur des D-Cats, des Blue Devils et des Roller Coasters. Donc il y a quand même aussi des vieux copains à lui, puisqu'il y a Terry à la batterie qui jouait dans les Rollers. Il y a, Grand Sifflet Fred au saxophone. Et puis Ficelle de Limoges. Ficelle et puis Benny à la guitare qui lui est un Belge exilé à Limoges. Voilà. Et puis après il y aura les alors japoniso malgache franco anglais de King Salami. C'est un nom d'enfer, King Salami. Ouais. Et on va dire un truc 60s beat énervé, quoi. Voilà. Donc c'est une bonne soirée. Un peu 50s, un peu 60s et un peu fin 60s. Voilà. Avec DJ Gilbert Nasal. Voilà, et Gilbert Nasal qui fait l'interplateau et après un set d'une heure pour faire danser tout le monde avec des disques d'une sélection toujours du meilleur goût. Et vous êtes sur scène à quelle heure? 21h. Oui. C'est ouvre à 20h30 et nous commençons à jouer à 21h jusqu'à 21h45. C'est ça. Ah ouais, 45 minutes. Et that's right. Ouais, ça va être du. Mais si la foule est en délire, ça peut monter un peu ou pas? Non, on n'a pas le droit. Ou alors, il faudra vraiment, que des filles déchirent leur chemisier ou que des garçons fassent des pets flammés avec leur briquet. Voilà. Et c'est les seules raisons pour lesquelles on continue à rester. C'est ça. Voilà. Ou péter les genoux de Mathieu Dufour. Aussi. Tu aurais pas de mal, d'ailleurs. Bon, qu'on embrasse. On va revenir à l'album, des Queens avec, I Need You. Moi, j'ai choisi ça. J'ai le droit c'est ou pas? C'est bien, ouais. Très bien. C'est pas mal. Morceau un peu obscur, des Who. Signé par Kiss Moon. Mmh. Ah ouais, c'est étonnant, hein. Bravo. Ouais. Et c'est la phase B du 45 tours Picture of Lily. Tout à fait. Voilà. Ouais, un morceau très cool, très, ouais. Voilà. J'ai vraiment envie de reprendre ça et voilà. Alors, un plaisir. Ah ben très bien. Avant d'y aller, quand même, vous êtes un des rares groupes au monde qui contient deux frangins. Qui ne se sont pas entretués. C'est vrai. Ah bon, on les appelle les Gallagher, mais c'est là que jamais. Oui, Lolo Davis et Norby Davis, ouais, c'est vrai que c'est oui, bien, oui, ouais. on est proches, ouais, on est très proches, ouais. Mm-hmm. Mais c'est un vrai plaisir de refaire de la musique avec mon frère qui a un grand nez. Bah oui, c'est pas juste tu reprends le collier dans la musique, tu reprends le collier aux côtés de celui voilà. Ah oui, puis moi c'est un mélodiste d'enfer là. Enfin, quand je vois les claviers qu'il a fait pour l'album, là, c'est super. C'est un mélodiste d'enfer, vraiment. Et il compose pas assez, en fait, ce garçon. Il a jamais parce vraiment que beaucoup c'est composé. C'est ça, ouais. C'est ce que disait Eric, l'autre c'est guitariste des Claviers. Il disait, putain, mais tu bosses un peu, quoi. Ben voilà. Il est doué, mais. Non, il joue beaucoup, beaucoup de guitare. Il a toujours joué beaucoup, beaucoup. Oui. Il a jamais arrêté. Il joue toujours dans deux, trois groupes depuis la fin des Claviers en 96. Il a toujours continué. Notamment avec un superbe groupe qui s'appelait Polaroid People. Il faudrait que tu écoutes ça. Polaroid People. Le nom est déjà bien. Hein, Polaroid déjà, People. C'est pas mal. C'est chouette. Hein. Ils ont fait un petit mini qui est super. Voilà. Donc oui, c'est un plaisir de chanter avec Alain, ouais, de remonter un orchestre. Et du coup, on side project des Queens. Jamais ça vous a repris envie de jouer des morceaux des Crybabies? Ah. À savoir. Peut-être que. Ah là, il y a un truc là. Il y a peut-être un truc. Ouais, il y a peut-être un truc. On peut en dire plus. Là, on peut pas en dire plus. Il va falloir revenir. Ce serait pour une occasion particulière. Donc, voilà. Ça sera un one shot. Avec des partenaires particuliers. Donc, on sera en courant quand même. Oui, hein? Oui. On nous ferait signe. Ah bah, complètement. Ouais. Il y a une bonne dose de savoir-faire. Bon bah, c'est parti. I Need You. Il nous reste un gros quart d'heure. Donc, on y va. C'est parti. I'm Ça figure sur l'album de Queens. Oui, tout à fait. Il y a de l'écho, hein. Même, ouais. Ils vous disent qu'il y a de l'écho chez moi, mais il y a de l'écho chez vous aussi. Il y a de l'écho chez nous. Ouais. L'écho. Un effet stéréo d'anthologie. Enfin, qui passe de droite à gauche de manière. Alors, on reprend des morceaux des Kings et des Who. Et I Need You, au début, on faisait un petit mix avec le I Need You des Kings. Bon, juste une allusion, hein. Ouais. On l'a arrêté parce que ça ne pas très ça bien. Ça marchait pas. Ça marchait pas bien. Ouais, mais c'est un super morceau, I Need You des Who. Hein. Ouais. Et les paroles sont trop, trop bizarres. Mais c'est bien, c'est psyché. C'est souvent un peu bizarre les paroles des Who. Oui. Bon. C'est un peu graveleux, mais ouais, c'est ça. La picture of Lily, bon. Oui, par exemple. Il est 20h19, donc il nous reste 10 minutes, messieurs. Eh bien, ça va être un choix. Ah, bah oui. Ouais, quand même. J'en ai prévu deux, mais en fait, j'ai longtemps hésité, mais là, vu que tout à l'heure on a écouté les Remains et puis que j'ai dit que j'étais en manque de rock'n'roll, eh ben, je vais mettre du rock'n'roll du moment. Voilà, avec un groupe de Melbourne qui s'appelle Gautlow. Voilà. Ah, et ben je ne connais pas, merci Blanche. Alors tu vas voir ça, c'est sorti fin 2023, début 2024. Je les ai vus cet été au Festival de Binic. L'album est sorti sur le label Beast Records de Rennes. Et tu vas voir, c'est vraiment tout ce que j'aime. Hein. On sent que les Chrome Cranks, les Penthouse et les Speedball Babies sont passés par là. Donc c'est abrasif, c'est un peu malsain. Beaucoup, mais c'est super rock'n'roll et c'est surtout très très ils sont rigolos en fait parce que voilà ils sont sur scène, ils sont vraiment super fun, ils ont même joué d'ailleurs le lendemain de leur concert à Binic au camping à midi en plein cagnard, ils ont réveillé tout le monde les gars. C'était excellent. Ouais, donc voilà, donc Gautlow avec le morceau I Lay My Head Down. My soul. bière. Une émission qui vous fait réussir votre pain et rater votre mayonnaise. Il a une manière de hurler, ce chanteur. Là. Ah ouais. Superbe, superbe. Ah oui, c'est, oui, tu parlais de blues, il y a ce côté brut. Hein. Exactement. Du blues, en fait. Mais écoute, on n'a pas inventé le quatrième accord du blues encore. Hein. C'est sûr. Il y en a qui ont essayé, mais ils n'y arrivent pas. Hein. Bon, c'était le choix de Blutch à l'instant. Et là, ça va être votre choix collectif, messieurs, il va falloir être démocratique et, ou dictatorial, hein, à vous de voir. On va choisir un dernier morceau de l'album qu'on n'a pas diffusé ce soir et qui vous ferait bien plaisir. Ah, moi, je regardais la, Lucifer Sam, moi, je... Ah je oui, ouais, oui, oui. Ça vous dit? Très bon choix. Très bien, très bon choix. Ouais, Lucifer très Sam, bien, très bien, très bien. Oh là là, quelle efficacité dans la démocratie. Ouais, voilà. C'est formidable. Alors attendez, il faut que je le trouve. Il est où? C'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier, il est là, merci. Alors, qu'est-ce donc ce morceau? Oh. Eh bien, c'est le... C'est, Lucifer Sam, c'était le nom du chat de Syd Barrett, des Pink Floyd. De paroles complètement débiles, hein. Il parle de son chat, en fait. Siam Cat, donc c'est un chat siamois. Voilà, et c'est drôle. Et on l'a enregistré avec un espèce de bzzz, trop bizarre. Avec un stylophone. Avec un stylophone, bravo. Ouais, tout à fait. Donc, et en plus, fait exceptionnel, le stylophone, Alain ne l'avait jamais utilisé. Et oui. Je lui ai mis dans la main, c'est la première prise. Voilà. Ah ouais. Ok. Ouais. Allez, quand même. Pour le coup, ça fait vraiment, vraiment psychédélique. C'est un morceau un peu, le riff est un peu garage, un peu surf. Même. Un peu surf, mais plutôt, ouais. C'est un peu un morceau à part de Pink Floyd. Oui, oui, déjà, bon, Pink Floyd avec Syd Barrett, c'est déjà différent du reste, oui. Évidemment. Mais même dans la carrière de Syd Barrett, c'est quand même malgré tout aussi un morceau assez classique, ouais, rock, ouais. En fait, quelque part. Oui, oui, donc Lucifer, voilà. Sam, allons-y. Voilà. Ouais. Peut-être que son chat lui parlait déjà, à mon avis. Oui, ah bah ça c'est fort probable. C'est, oui. Sûr, oui. C'est okay. Possible. Il l'entendait, lui. Il l'entendait, ça c'est sûr. C'est le dernier morceau de ce soir. On va se quitter là-dessus dans The Rocks. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus, Chacha Boogers, Blutch, Mister Lolo Davis. Merci d'être venus ce soir dans merci The Rocks. Merci de nous avoir accueillis. Et puis ouais, merci pour cet album, super super album. On rappelle, jeudi soir à l'Astrolab. Il faut pas arriver en retard. C'est vous qui ouvrez. Vous allez jouer donc dans cette soirée cosmique. C'est ça. Tout à fait. Et puis on retrouve le vinyle bientôt. C'est ça. Oui. Ce sera annoncé sur nos différents réseaux sociaux. Oui, et je le relayerai ici même. Vous super. Pouvez trouver l'album sur le Bandcamp. Oui. Vous pouvez donner des sous, bien sûr, pour si vous soutenir voulez. Le groupe, mais c'est gratuit, c'est pas cher. Oui, voilà. Oui, oui, oui. Allez-y, on va se terminer avec ce morceau dans The Rocks. La semaine prochaine, il y aura Sylvain Trémaux ici même, des très mauvais Sucker Fever. Avec une battle, notre fameuse battle régulière avec mon petit Sylvain. Là, ça va être le thème, ça va être des morceaux Kinder Surprise ou Mon Chéri ou Doubichou, enfin les trucs où il y a une deuxième couche à l'intérieur et une surprise où qui est pas toujours bonne, par exemple dans Mon Chéri c'est pas toujours bien, donc voilà, des morceaux surprises, et puis le 3 février il y aura une nouvelle session de Quij, c'est spécial dans The Rocks, voilà, je vais peut-être essayer de débaucher du monde là hors antenne parce qu'il m'en manque deux, donc s'il y en a que ça branche ici, je vous réexplique le concept, Pablo je le connais déjà, et puis voilà, pour l'instant il y a Karl de la médiathèque qui est dans les starting blocks, qui est sur le coup, et puis donc voilà, en tout cas il y aura une séance de quiz où le principe est toujours le même, on propose 4 albums à 3 chroniqueurs, ils les écoutent intensément dans le mois qui précède et puis voilà, ils disent ce qu'ils en pensent à ces micros sans langue de bois. Merci beaucoup encore une fois. Merci à toi. Et puis c'est parti, ça s'appelle c'est le chat de site quoi. C'est parti, ciao. Ciao. Salut. do jogo da Taça da Liga.